T'as crié, ouais, on a failli l'entendre. Ah, ça commence bien, j'aime bien. C'est Pyongyang qui tient au cœur ce numéro 316 qui commence, il est 20h, oh, putain, 20h et déjà une minute, comme le temps passe. Ça va, Gaël? Ça va, et toi? Bah ouais, écoute, depuis hier, sinon, la dame qui fait ouais, bah, c'est vol. Et puis il y a aussi Célia, et puis alors on a des invités, mais alors pour l'instant ils sont tout timides. Bah, ils picolent, c'est des Belges, ils picolent. Ils picolent. Mais ils vont être bientôt entrer dans le studio, mettre un petit peu dégaiement dans ce. Merci. Tristesse française. Ouais, maintenant t'es française. Ah non, je me sens pas concernée. Voilà. Oh non, elle est pas française. Je lui ai interdit de l'être. Et donc, chez Pédigré, vont nous parler de leur actualité, puis passer de la musique, hein, voilà, parce qu'on est là pour ça. Et donc, je commence par un petit truc qu'on pouvait faire dans les années 80. Qu'est-ce qu'on pouvait faire dans les années 80? Et qu'on ne peut plus faire maintenant, c'est ça? C'est plus compliqué. On pouvait faire des chansonnettes cyniques et décontractées sur les colonels fascistes à la tête de pays lointains. Aïe. Malheureusement, en 2023, les colonels de l'armée corporette sont à l'Elysée et dans les ministères parisiens, occupés eux aussi à mater la populace et à traquer la nuit les agités. C'est ce que nous raconte aussi ces gens de Varum Joe. Ouais, ça date de 80. Je sais même plus combien, 86 je crois, c'est Varum Joe avec les colonels de Bogota. Maintenant on pourrait dire les colonels de Paris. Hein. Voilà, hé, hey, youpi. Pogo Pogo Bogota. Là, c'est déjà fini, dis donc. C'est un tube parce que c'est un groupe que j'écoute jamais et je connais le morceau. Ah, quand même, hein. Ouais, c'était sorti. C'est ça qu'ils avaient fait connaître beaucoup. Ils avaient sorti ça sur la première compile New Rose. Donc, ils sont pas sur genre Punk en France ou un truc comme ça aussi. Ouais. Après, c'est ressorti sur Punk en France, mais ça, c'est quand j'étais déjà vieux, tu sais. Donc voilà. Il y a une friture là derrière toi, non? Non, il y a un bordel qui fait du bruit là. Ah, dans j'avais l'impression que t'avais ramené tes frites, gros. Ouais. Faire plaisir à nos invités. Pas tout de suite. Qui nous viennent tout droit de tourner. On est ce soir en compagnie d'un groupe wallon qui s'appelle Pédigré. Je dis wallon parce que vous allez voir, il parle français, parce qu'on peut pas vraiment le savoir quand il chante, puisqu'il chante pas en français, ni en belge, ni en... En belge. On va encore se faire bien voir. Et ce soir avec nous, on a donc Tom et Yannick. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire un peu quelle place vous occupez dans le groupe ? Ben, Yannick, moi je joue la guitare et le chant dans Pédigré. Bonsoir, je m'appelle Tom, je joue la batterie dans Pédigré. Bonsoir. Concentré. Bonsoir. Vous êtes déjà venu une paire de fois à Radio Campus ? Une fois, je pense. Il y a, avec les Marvin Gaye, il y a longtemps. Ah, c'était pour Acouphène, Radio Show. Ouais, c'est ça. R.I.P. Ouais, c'est fini. R.I.P. Ouais. R.I.P. Toi aussi. Repose en paix. Toi aussi. Moi, je suis venu il y a longtemps. Avec un groupe mystérieux déguisé. Ça, c'était très. Ah, c'est le jour où t'es venu en capirote, c'est ça? Ouais. C'était bizarre. Ouais, on quelqu'un a pleuré. Ouais. Quelqu'un a pleuré. Ouais, quelqu'un a pleuré. C'était Albert. Albert a pleuré, ouais. Il a pas trop aimé nos déguisements. Alors, t'as fait pleurer, hein. C'est quoi son poste maintenant? Porte-parole du gouvernement de la République centrafricaine. Ouais. Aucun regret. Non, mais charbon en même temps. Hein. Et donc vous êtes ce soir de retour dans les studios de Radio Campus pour nous présenter un nouveau disque qui va sortir dans les jours à venir. Je me trompe? Ouais. On le reçoit samedi normalement. D'accord. Le 8 décembre. Le 8 décembre, c'est un album? Un 8 titres. Oui. Donc c'est un mini-album. Vous pouvez revenir un peu sur le parcours discographique avant ce disque? Il y a d'abord eu... Attends, c'est pas de bêtises. On a fait une démo d'abord. Il y a eu une démo, ouais. Avec notre premier batteur, Nathan. Quelle année? Ouf. Est-ce que ça fait combien de temps que ça existe Pédigré? 5, 6 ans? Je vais regarder. Plus? Non, il y a plus que ça, je crois. Il y a eu le Covid entre-temps, donc... Ouais, ça fait 2 ans au moins, quoi. Ça brouille les pistes. Alors... Pédigré. Sur le téléphone, là, c'est... Pédigré. Sur Wikinarel. Album. Qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus? Qu'est-ce qu'on a fait déjà? Regardez, 2017. Première démo. 6 ans. Après, 2019, New Freak. Premier vinyle, quoi. Vous étiez venu défendre à Lille. Je sais plus. À la Maison Folie d'Oisem, il me semble. Ah, c'était encore après, je pense. C'était le deuxième, ça. C'était en 2019, en tout cas. Ouais, c'était avant le Covid. Ah oui, le gros concert que vous avez fait, là. Crazy Kids. C'est ça. Ouais. Ensuite, 2020, autre album EP, on ne sait pas trop. Et voilà, nous voilà 3 ans plus tard avec Runaway. Alors, vous l'aviez dit, hein, il comporte 8 titres. Comment est-ce que s'est passé le processus d'écriture? Est-ce que ça a changé totalement par rapport au début du groupe, ou est-ce que vous êtes resté sur même recette? On a rien, avec le Covid, on n'a rien glandé pendant 3 ans. Après, 3 ans ouais, je pense plus ou moins, on n'a pas répété pendant 2 ou 3 ans, je pense. Ah, c'est vrai. Et après, bah, voilà, on s'y est remis. Ça a duré longtemps, ce truc. On a un peu galéré à s'y remettre. C'était nul. Après 3 ans, c'était un peu dur. Et après, bah, voilà, on a recomposé. Je crois qu'il y avait des morceaux qu'on avait commencé avant. On n'avait jamais terminé, puis qu'on a terminé après, on a refait quelques autres en plus. Pédigré, on fait comme les groupes qui ont quand t'as 12 ans là, tu vois, et que tu composes tout en répète, ça dure 1000 ans. On fait encore ça parce que. Donc en fait, c'est un travail vraiment collégial, on va dire. Non, il y a pas quelqu'un qui arrive avec un morceau et on travaille dessus. Non, Yannick arrive avec un riff et on doit essayer de faire quelque chose avec. Je ramène souvent un ou deux riffs et après je laisse les autres faire ce qu'ils ont envie de faire dessus, quoi. D'accord, donc c'est c'est un peu... On est ses esclaves, oui. C'est Yannick and the Boys, quoi. Ouais. Pedi and the Grays. Parce que vous êtes quand même deux personnes qui avaient joué dans énormément de groupes lillois. On peut vous comparer un peu à la scène lilloise. C'est-à-dire qu'on retrouve toujours les mêmes personnes dans les groupes de tournée. Bah ouais, toujours les mêmes. C'est déjà mon troisième groupe avec lui, je crois. Mais ça dure un peu plus longtemps quand même, non? Ouais, pas spécialement. Ici, il y a eu Bipolar qui n'a pas duré très longtemps non plus. On peut citer des groupes dans lesquels vous avez joué avant? Tom et moi, déjà, on a eu Full Contact, Bipolar and the Spacefuckers et Pédigré. Il y en a eu d'autres, je sais plus. Non, c'est tout. Ouais, c'est tout. Ensemble, c'est ensemble, tout. Dinoisaur, t'as joué dans Dinoisaur? Non. Moi, non. Tu vas ressentir ça quand on l'a fait 3, j'ai même pas le morceau. Ah oui, je dois encore avoir le morceau, ouais. Après, si vous voulez, on peut mettre le projet qu'il y a eu après. C'était quoi le Four Boys Hard. Ah ouais, ça me dit quelque chose, ça. Four Skin et Hard Skin. C'est ça, hein. Ouais. Mais pour revenir à ce que tu disais, Wiss, on a décidé de notre description du groupe sur le Bandcamp, ça parle d'inceste un peu. Parce qu'on trouve qu'on est un peu une scène incestueuse, on fait tous de la musique les uns avec les autres, avec le cousin de machin et tout. On a dit que le pédigré. Attends, mais c'est écrit en anglais, je vais essayer de traduire. Qui c'est qui a écrit ça en anglais, franchement? C'est moi. Ouais. Je comprends. Donc le pédigré, c'est un concept inventé par les hommes pour nous faire croire que les chiens devraient être jugés sur la manière dont ils... Enfin, en gros, sur leur cosmétique au lieu de ce qu'ils savent bien faire. Et du coup, ça fait qu'on fait faire des chiens... Enfin, tu fais des... Des croisements. Tu fais des croisements bizarres, tu sais, le fils avec la mère, 50 fois... À la fin, ça te donne un chien tout bizarre qui vit que 5 ans. Et qui a quand même qui pend, là, c'est ça, avec les gens qui pendent et tout. Ah, qui vit que 5 ans, c'est comme les groupes que vous. Comme nous, oui. Ouais, voilà, et ça, c'est pédigré. Et ça, c'est le pédigré. Vous avez déjà un an de trop, là, alors. Ouais. Ouais, on a les 2 ans de couple. Mais on a tout le reste. les petites tumeurs. Trash, pardon. Alors, sur ce nouvel album, est-ce qu'il y a un fil rouge ou est-ce que c'est. Ça parle de quoi? Comment il s'appelle déjà? Runaway. Partir. Ça parle de plein de trucs. Fuir. Ça parle de plein de trucs parce qu'en fait, on a été plusieurs à écrire les paroles. En fait, ouais, dans le thème, on a été plusieurs. Moi, Yannick, Seb, ça parle d'un peu de tout. Ça parle de la destruction de la Terre. Ça parle de... La destruction de la Terre. Ouais. Ça parle de drogue. Mais pas que nous, on prend, que les autres prennent. Ça d'accord. C'est pour un ami. Ouais, c'est en fait en plus oui. C'est pour un pote. Ouais, ça parle un peu de tout, tous les thèmes qui nous ont touchés au moment où, en fait, entre le moment où on a décidé à quoi les morceaux ressemblaient, et le moment où on irait enregistrer en studio, parce que je crois qu'on avait genre un battement de 2 mois et on était là. Il faut écrire des paroles. Ouais, on a enregistré toutes les instrus, on n'avait aucun texte. On savait même pas ce qu'on allait chanter dessus, on a enregistré les instrus avant de savoir ce qu'on allait chanter dessus. Pression quand même, non? Un peu, ouais. Bah, c'est oh ouais, il fallait trouver les chants aussi, c'est ça qui était le plus long. Et c'est comme ça que ça fonctionne d'habitude, pédigré, un peu dans l'urgence ou non. Ou dans l'urgence, mais pas à ce point-là. Là, on a vraiment. Là, on a, c'était insupportable. On s'est dépassé, quoi. Donc c'est faisable. Ouais, c'est faisable. Je vous dis demain, vous avez un morceau qui est. Enfin. Qui est déjà composé, je vous dis de le sortir la semaine prochaine, vous êtes capable. Vous relevez le défi. Oui. Moyen, moyen. Ouais. Faisable. Allez, on le fait. Ouais. Vous avez ramené des morceaux de ce nouvel album ? Moi, j'en ai ramené 2. Ouais. Qui sont déjà, on écoute quelque part ou c'est de la totale exclue ? Non, vous pouvez écouter sur Bandcamp. Ah bah voilà. Personne ne l'a fait, donc c'est de l'exclu. Hein. on l'a mis il y a 2 mois et 32 écoutes. Stéphane, comment s'appelle le morceau ? Trapède ou bien Bread ? Bread. Trapède ou Bread ? Alors, Trapède, ça n'a pas l'air d'être toi qui l'a écrit, Yannick. Par contre, Bread, oui. Bread, c'est... Ouais. Il parle de quoi ? Ça veut dire pain. Bread, ça parle des influenceurs, de ce nouveau chouette métier. Dont ils vont faire des études en Belgique. J'ai entendu qu'il allait avoir des études d'influenceurs. Ah ouais. C'est vrai. Moi qui recherche master en influence. Orientation. Sur nous, les Belges, là, franchement. Ou en retard, je sais pas. L'avance, je sais pas si on peut appeler ça de l'avance. Ouais. C'est de l'avance sur le retard ou du retard sur l'avance, je sais pas. Quelque chose. Pas de truc, en tout cas. Bon. Bread, donc, mais c'est quoi le rapport entre le pain et les influenceurs? Bread, c'est-à-dire la thune. Ah. Et puis, c'est aussi mange le pain que je te sers. Oui, ouais. Non? Hein? Non. Ok, Cyril. Le pain et les jeux. Pourquoi Cyril? Bah, je sais pas, c'est un influenceur aussi. Lequel? Baba. Allez. Nuna. Bread par Pédigré. On va s'expliquer hors antenne. faudrait peut-être relancer les micros là, sinon ça va pas aller. Hein. Ah, bonjour Pédigret, vous allez bien? Bonsoir. Ça va, tout le monde s'est pas enfui à l'écoute de votre album, non, été, puisque vous disiez que c'était pas encore bien, enfin bien écouté, c'est ça? Hein, j'ai dit ça comme ça. Hein, j'en sais rien du tout. D'accord. Ouais, c'est ce bordel là. Ouais. Non, il y a des boutons qui sont, j'ai pas eu, des trucs qui s'enclenchent tout seuls. Vous êtes à Radio Campus, hein, c'est normal, c'est Pyongyang City Rockers, il est 20h19, et c'est Pyongyang City Rockers jusqu'à 21h. Alors vous êtes un groupe un peu affilié Watermoulin Tournée, est-ce que c'est là-bas que vous la répétez, est-ce que c'est là-bas que vous avez enregistré votre album? Non, on a enregistré, on joue, on répète au Moulin, et l'album on l'a enregistré à Bruxelles. Zaventem. Zaventem, ouais. Dans l'avion. Very nice studio, ouais, ouais c'est ça. Ouais, tu peux nous en parler un peu de non, ce studio? On parlera mieux que moi, c'est fait pote. C'est en fait, c'est Iowa Holidays, qui est une compagnie de tour support qui loue qui ont des amplis, des batteries et tout, des grosses camionnettes, qui louent à des groupes pour partir en tournée, notamment Amelie and Sniffers, King Gizzard, etc. Et pendant le Covid, vu qu'il n'y avait pas de tournée, pour quand même... Rentabiliser un peu le matos qu'ils avaient acheté. Ils ont décidé de permettre d'enregistrer dans leurs locaux. Et donc, tu débarques et tu peux utiliser à peu près tout ce qu'il y a pour enregistrer. Et donc, on avait décidé de... Moi, je trouvais que le concept était cool. Et en plus, c'est des potes. Donc, on s'est dit qu'on enregistrerait là-bas. Et aussi, on avait entendu des potes serrés qui avaient enregistré là-bas. Je trouvais que le son était vraiment bien. Et on s'est dit, vas-y, go. On a enregistré avec un pote qui s'appelle Robin Rigaud. Et, un Ardennais. Ouais, un Ardennais, c'était hyper cool. On a fait ça en 3 jours. On a fait 2 jours les instrus, et puis on est retourné 2 mois plus tard. Ouais. Un jour pour le chant. Le temps d'écrire les paroles. Ouais. Le temps d'écrire les paroles. Et non, c'était vraiment super. C'est une expérience que vous aimez encore, ça, le studio? Ou vous redoutez? Non, moi, j'aime bien. À chaque fois, je m'amuse bien en studio. Il y a beaucoup de groupes qui disent « Ah, le studio, c'est bien la première fois, mais après... » Ah non, moi, je pense que j'aime autant ça que faire des concerts. Ok. Des concerts, il y en a bientôt de prévus. On en a un ici, vendredi, à tourner à Mazur 14. C'est une maison de jeunes tournésienne. Et on en a un la semaine d'après, Watermoulin, pour la release partie du disque. D'accord. Vous jouez seul vendredi? Non, vendredi, on joue avec MIT. Je sais pas si vous connaissez, c'est un groupe de un groupe garage tournésien, et un autre groupe qui s'appelle les Cryptids, les petits jeunes qui font la relève tournésienne. La relève tournésienne, ouais, je crois qu'ils ont, je sais même pas s'ils ont 18 ans. Le nouveau sang, la nouvelle chair. Et la semaine d'après, on joue au Moulin avec il y a Adolina Serré, justement, dont on vient de parler, et Short Days, que vous connaissez bien. Très local. Tournée Moucron Lille. Ouais, non, on a pris que des groupes de copains. Aussi, commerce local. Adolina sont tournés aussi, ouais. Enfin, ils sont de Moucron. Ouais. C'est des vieux de la vieille, ça fait. Ouais. Je crois que c'est le premier groupe que j'ai. Le tout premier concert que j'ai fait de ma vie, c'était Adolina qui jouait déjà. Je devais avoir 16, 17 piges. Et moi, le premier concert de hardcore de ma vie, c'était Yannick qui jouait. Et Adolina, moi je pense que quand j'avais 18-20 ans, je les ai vus aussi, donc ouais. c'est possible. Ça fait 15 ans qu'ils existent. Plus, ça. Ah, bah, plus moi, ou moins 20 ans, je pense. Je crois que ça fait 20, ouais, 21 ou 22 ans. Plutôt 20 ans, moi je les ai vus une paire de fois boulevard Montevélo. Là. Ah, là, au Melting. Au Melting. La Chimère. Ouais. Ou le Caméléon. Ouais, c'était Chimère, je crois déjà. Ouais, je sais plus. Et franchement, respect parce qu'ils répètent tous les vendredis. Ouais. Alors nous on répète quand il faut. Puis c'est un 5 jours le vendredi, non? Ben non, et franchement, mec, tu vas au Watermoulin tous les vendredis soir, hein. Ils sont là, ils répètent, quoi. Ils répètent avant les soirées. Ouais, ils sont hiver, c'est été, qui pleuvent, qui ventent. Et même s'ils n'ont pas de concert, ils y vont, quoi. Respect. Et en plus, ils font la route de Moucron. Pas tous. Mais il y en a encore... Attends, que je dise pas de conneries. Je crois qu'il y en a au moins la moitié qui sont encore sur Moucron, ouais. Ça va. On a un morceau d'Adolina ou... Bah non, j'ai rien. Peut-être je vais chercher dans les archives, mais pas tout de suite. Eh bien, venez samedi, vendredi 8. Des groupes de copains, là, non? Oui. On va nous faire découvrir. Non, à part Arsou, mais on joue pas avec eux prochainement. On joue bien. D'accord. Si, moi j'ai mis dans ma clé USB, j'ai mis Daggers. Ouais. Ah ouais. Ah, ça c'est hardcore flamand, non? Non, ils sont de Liège. Ouais. Et je les aime beaucoup. C'est quoi? Il y a même un titre là, il y a juste le nom du MP3, c'est un nombre. Ah, ça, c'est ma clé. Oui. Ah, moi, c'est, ouais, moi, c'est de la merde. 2 millions, 634 000. Je comprends pas. Ah, je sais pas, j'ai mis des trucs. Pourquoi tu veux mettre quoi? Non, tu parlais de Dagger. Ah, c'est, ça oui, s'appelle Apex. Un Apex. Ah oui, le v'là, je trouvais. Ouf, le v'là. Ah, bah, on va le mettre alors. On le met maintenant? Ouais, ça dure longtemps, non? Ouais, tu voulais boire un coup, Stéphane. 2,28. Ouais. Puis après, on va enchaîner sur autre chose, mais ça sera la surprise. Pour l'instant, donc, voici Daggers avec Apex. Rien d'autre à dire pour le présenter? Bah, c'est des copains, ils sont gentils, je les aime. Et c'est des liégeois en même temps. Hein, c'est des liégeois. Et aussi, ils existent depuis très longtemps. Et ils ont fait une tournée à Cuba. C'est quand même à noter. C'est quand même stylé. Ouais. Ils l'ont fait il y a longtemps, hein, mais ils l'ont fait, quoi. Ça veut dire quoi? Ça, on peut plus maintenant? Je sais pas comment tu fais. Genre, moi, quand ils m'ont dit on a tourné à Cuba, j'étais là. Ça doit être d'avoir un contact là-bas. Bah, apparemment, ils connaissaient un mec qui habitait là-bas. Et qui leur ont... En fait, il fait des packages à des groupes. Il fait genre, voilà, vous m'envoyez 2000 balles chacun et je vous fais votre tournée à Cuba. Et de ce qu'ils m'ont dit, enfin, de ce que je me rappelle, c'est genre, ils ont fait le tour de l'île, que des concerts en plein air, remplis à chaque fois parce que, bah, il y a un concert. Donc, il y a tout le monde qui vient parce qu'il n'y en a pas souvent, apparemment. Et le chanteur s'est cassé les pieds la première date, je crois. Les deux pieds. Il a sauté sur une cymbale. Et je crois qu'il a sauté d'un ampli sur une cymbale. Il voulait péter la cymbale. Et c'est la cymbale qui a pété ses pieds. Et du coup, ils ont fait tout le reste de la tournée avec le chanteur assis. Et c'est plus le même chanteur. C'est Greg maintenant qui chante. Mais du ça, coup, ça a coûté David. Beaucoup plus que 2000 balles au chanteur. Bah, je sais pas. Je pense qu'en plus, ils ont pas, il a pas été se faire hospitaliser non, tout de suite. Il a fini la tournée. Ils ont parmi les meilleurs médecins du monde. Oui. À Cuba. Ouais. On peut faire une émission spéciale Cuba. Pyongyang City Rockers pourrait faire. Ouais, la Van City Rockers. Ah, pas oui. La Van City Rockers, franchement, voilà. Émission spéciale Cuba, ça pourrait être stylé. Bon, d'accord. Mais il faut trouver des groupes. J'en ai un ou deux, mais pas assez pour remplir une heure. Pour l'instant, voici. On peut faire une émission avec tous les groupes qui ont tourné à Cuba. Tourné à Cuba, ouais. Ouais, je crois qu'il y a moyen de les trouver. Qui sont cassés les pieds à Cuba. Qui t'ont cassé les pieds. Je peux vous ramener le mec qui s'est cassé les pieds, franchement. Vous faites une émission de 3 heures avec juste lui qui parle. Donc on lui réserve un vendredi soir. Ouais. Okay. David, bon. Si tu entends, viens. Daggers. Arto est de retour. Arto, c'est parti, ça vient de s'anner. Direct, issu de la génération fond qui t'a gêné. Pas de saucé, mais pas de chipé ici. Pas de chichi, si tu dérapes pour te chier dessus. Trop de blabla, trop de plagiat. Trop de merde, son étiqueté pourra. Mais c'est comme ça. Connecto, le bénéf, le business. Et c'est pendant qu'on laisse couler clé de pédale sans graisse. Et puis, ça bible de nos rêves de voir en dessous. Mais ne t'approche pas, Hollande de Bond te fout des coups. Bon, si tu respectes pas les règles, mec, du béton. Pour finir aux côtés des faibles, ceux qui ne voient le hip-hop qu'avec des samples de pop. Mais tout cela, je les stoppe à base de pop, pop, pop, pop. Scène, scène, hystère. Fous donc ton gilet pare-balles à base de pop, pop, pop, pop. Mais pour le hip-hop, je développe la scène, Sunny. C'est de la bombe, bébé. Et si t'as le pédigré, ça s'en connaît au bébé. C'est de la bombe, scène, hystère, bébé. C'est de la bombe. C'est de la bombe, bébé. C'est de la bombe, bébé. Oh, ça vient de Sunny. Mais non, ici c'est oh. Sunny, Sunny, Funk, Funk, Fresh. Sunny, Sunny, Funk, Funk, Fresh. Dans l'arène, le suprême, la crème, la cerise sur le gâteau. Tu connais le deal, les gros. Pas besoin que j'en fasse trop. C'est moi la voix qui fait ta tessie dans tous ces états. Tu kiffes pas, Nico Mouk viendra à toi. Voilà pourquoi j'ai pas le droit, j'lâche pas le 9-3. J'suis le droit avec un Funk spécial. Ça c'est le sinistère. Sing sinister, sing sinister, sing sinister, baby. Sing sinister. Fous donc ton gilet pare-balles à base de pop, pop, pop, pop. Mais pour le hip hop, je développe la scène Sunny. C'est de la bombe, bébé. Et si t'as le pédigré, ça se reconnaît au débit. Eh oh, ça se reconnaît au débit, baby. C'est la génération funky taquini. Pas de chichi, pas de chippy. Si tu dérapes, on te chie dessus. Aïe, sing sinister. C'est de la bombe, bébé. Ouais, non, non, non, pas trop vite, pas trop vite. Bon, bah, vous avez eu droit, vu qu'on était très très pressé d'aller boire notre bière, on a eu droit à une répétition de Daggers, donc double Daggers. C'est pas partout qu'on entend ça. Hein. Hop, ex-apex. Ouais, non. Stop ou encore ? Encore ! Encore, voilà. Et puis ensuite, mais qu'est-ce que c'était que ça ? Putain, c'est pas normal de passer de la musique comme ce qui vient de passer. Mais si t'as pas digré, ça se reconnaît au DB. Ouais, c'était pour faire un lien. C'est de là que ça vient le nom du groupe. Hein. Ah ouais. Ouais. Bah, on voulait qu'on nous reconnaisse au DB, au pédigré. Alors oui, un petit truc que j'ai remarqué ces derniers temps, j'ai l'impression que la scène belge, elle est morte. Ouais, un peu. C'est vrai ? C'est... Ah merde, pardon. J'ai l'impression que c'est. C'est pour rire. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait de la chair fraîche là qui arrivait. Dans les groupes de tournée, j'ai toujours l'impression que c'est un peu la même chose qui tourne et qu'il y a bizarrement moins de concerts, ou quand il y a des concerts, c'est toujours les mêmes groupes qu'on voit. Vous avez un peu cette impression-là ? Moi, j'ai toujours l'impression qu'il y a une grosse scène hardcore. Oui. Après, ici, t'as le... Mais même dans le hardcore, c'est toujours les mêmes groupes. Oui, il y a un nouveau groupe, là, Soul Blame. Ah oui, de tourner nouveau, avec... Ouais, ouais, avec un... Ouais, puis il y a un gars de Lille, je crois, enfin, du 5-9 dans le... Ouais. Qui était. Mimille. Mimille, ouais. Et Kill For Peace. Et, ouais, et puis des mecs de Courtrai et tout. Ouais. Il y a un gars de Londres aussi, non, je pense. Ouais, ouais, ouais. Le batteur, je pense qu'il vient de. Ouais, donc c'est pas vraiment un groupe belge, quoi. Ouais, c'est un melting pot. Donc je me trompe. C'est juste l'impression que j'ai de mon coup. Il répète au Watermoulin, on dirait. Il y a aussi Peter Dams qui a arrêté d'organiser des concerts à Anvers et qui en faisait vraiment la patate. Mm. Parce qu'avant, je passais souvent la frontière pour aller voir des concerts en Belgique. Et maintenant que j'y habite, j'ai l'impression de beaucoup moins sortir. T'es blasé. Non, après Watermoulin, il y a encore des concerts. Hein. C'est peut-être moins ton style. Il y a un peu de tout, quoi. Il y a encore le Pits aussi. Il y a le Pits qui organise. Bah justement, le Pits, je suis pas allé avant. Ouais. La dernière fois que je suis allé, c'était au mois de décembre l'année dernière. Ils ont changé d'orga aussi. En même temps, quand on regarde un excellent site web sur lequel il y a un agenda de concerts de toute la région, moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses en Belgique. Hein. Enfin, c'est parce que c'est moi qui le remplis, mais bon. Non. Je fais de la pub à shpunk.org. On a aussi dans les studios un monsieur qui vous connaît depuis des années. J'ai vu que vous parliez tout à l'heure dehors, vous avez des petites anecdotes à raconter. Et ce monsieur, il joue dans Jody Faster et il a sorti un disque il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. Oui, salut. Mika. Bonjour Mika. Le chanteur. Bonjour. Qui nous a ramené ce soir un nouveau 7 pouces sur lequel on peut retrouver 3 morceaux de Jody Faster et 6 morceaux de Corrupt Vision. Pour ceux qui ne connaissent pas Corrupt Vision, est-ce que tu peux nous en parler vite fait? Pourquoi ce choix de groupe pour faire un split avec? Alors Corrupt Vision. Pas avec Pedigree. Que on a quand on n'a pas tourné avec Pedigree, par contre on a tourné avec Corrupt Vision. Donc Corrupt Vision, c'est un groupe de Orange County en Californie. On était en contact avec eux parce que leur chanteur Tommy a un label également qui s'appelle No Time Records et nous sortait déjà aux États-Unis. Il nous a proposé de faire la tournée, nous a monté la tournée aux États-Unis il y a un an, donc en octobre. Et bon, on a bien sympathisé avec eux et voilà, il a émis l'hypothèse un jour de sortir un petit split ensemble et il s'est motivé et du coup voilà, ce nouveau disque est sorti la semaine dernière. C'est tout frais. Et voilà, du coup, on est censé passer un morceau de Corrupt Vision, c'est ça? C'est qui tu préfères? Il y a pas il y avait pas un message à passer aussi à un mec qui est... Ah si, bah du coup, on va passer un petit morceau. Non, un mec de Paris. Une petite dédicace pour notre copain Pierre Affeux. Qui est souvent sur l'île en ce moment pour le travail. Il est tout dit par du wifi. Et il adore le ska et en fait c'est un groupe d'anti-ska quoi. Donc mais bon, c'est voilà, c'est oui, il le sait, on plaisante ensemble. On va essayer de te garder un petit sticker ce Pierre. Oui oui. Il y a de quoi. On va les garder ça. Quel morceau on va mettre en avant? Pour Pierre, on va lui mettre un petit je pense que Product by Design qui est en Chine avec Everything I Have qui sont très courts, je pense. Oui. Oh, ça va faire une grosse minute. Voilà, il y a deux morceaux. Donc ça résume un petit peu le style de Corrupt Vision. Après, c'est quand même un groupe assez varié, quoi. Ils enchaînent crack rock, grind, power violence, hardcore plus classique. Crack rock. Dans l'esprit leftover crack, tu vois. Ah. Ska un peu vénère sans. Ah, c'est des anti-ska, mais qui aiment le ska. Après, en fait, ils sont anti-ska. Quand on parle avec eux, leur slogan c'est fuck white boy ska. Parce que par chez eux, quand même, les groupes de ska, c'est plutôt des groupes de mecs blancs, friqués. Avec des dreads. En plus, ils sont à Orange County. Et eux, c'est plutôt des gens issus un peu d'une mixité, on va dire, sociale. C'est dans l'air du temps, ça, la mixité. Hein. Donc voilà, et puis ils sont en opposition un petit peu avec la scène de chez eux. Ok. Corrupt Vision. Sur le 106,6. Oui. C'est bien. Voilà. C'est quand même plus rigolo que le Chiggy Dap traditionnel. Oui, après, c'est question de goût, hein, j'ai envie de te dire. tu ménages une sortie avec Pierre Affeux, là? Non, pas du tout, pas du tout. Bon. Alors, ça sort sur No Time Records, TNS Records, Loner Cult et Don't Trust the Hype. On peut retrouver ça dès quand Dès maintenant, c'est dispo. Et nous, on en profitera pour faire notre petite release party pendant les 40 ans de Scraps au Black Lab. Youpi, le 9 décembre. Parfait, ça. Un concert organisé par Crazy Kids. Crazy Kids pour les. Ah, ouais. On commençait avec Pedigree. Exactement. Ouais. Votre album, vous, Pedigree, donc il sort ce vendredi, il y a 8 titres dessus. On parlait des labels. Il y a combien de labels qui sont intéressés à votre disque ou vous avez voulu le sortir tout seul? Il y en a 6. Il y en a 6 dessus. Il y a Bayamika, donc Don't Trust the Hype. Il y a... Ah ouais? Ouais. Et oui. Ah bah comme quoi. Pour la deuxième participation avec Pedigree. Il y a Emergence de Rouen, Pong Pong, un label de Hill en Belgique. Il y a Rock Hill de Charlouze. Et d'autres. Charles King. Ouais, exactement. Death by Coffee. Ah non. Louis Pleur. Louis ah Pleur. Oui, Louis Pleur, ouais, c'est vrai. C'est le, la première sortie de Louis Pleur. De Louis Pleur, ouais. Première production. Je tiens à le dire. De Louis Pleur, ouais. Bravo Victor. Merci bon. Victor. Je t'aime. Vous avez un gros bisou. Quoi ça ? Vous avez dit Crapoulet ? Crapoulet de Marseille. Crapoulet aussi de Marseille. Et je crois qu'on a tout dit. Ils oubliaient les Français, tu vois. Ah non, il y avait. Ouais, Marseille, c'est pas vraiment la France. Hein. Il y a beaucoup de Français, de toute façon. Ouais, ouais des copains. C'est le jeu qui avait déjà sorti. Ben Mergens, il avait déjà participé au celui d'avant. Ouais. Crapoulet également aussi. Hein. Crapoulet aussi. Crapoulet aussi. Ouais. Pong Pong, c'est un nouveau label. Ouais, moi aussi. Ouais. Très sympa. Ouais, très sympa. Et il sort plein de trucs. Il est motivé, le gars. Je crois qu'on est à la deuxième sortie, mais je crois que depuis, on a déjà, il est déjà sur deux ou trois autres disques. Ouais, il voulait juste nous, il voulait nous sortir tout seul au début. Il et on a dit non. Il a dit, oh, ok. Bah, c'était marrant, il a envoyé un mail en disant, ah, si vous voulez, je sors tout seul. Bah non. Non. Et donc, tout à l'heure, on parlait un peu de mon ressenti, votre ressenti de la scène belge. Oui. Là, vous avez signé sur plusieurs labels français. Forcément, il y aura... un petit tour de France ah oui, c'est vrai. Qui va se préparer. Ah, j'ai oublié de dire ça. Est-ce, on que... Doit dire ça. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît de jouer en France? C'est différent de jouer en France? Qu'est-ce que vous en retirez des expériences passées? Tu veux dire? Bah, je t'avoue que la plupart des concerts, c'est à Lille, donc c'est avec tous des copains, donc on... c'est cool. Qui n'est pas vraiment la France non plus. Hein. Qui, ouais, qui est la. Non. Ouais. Ah bah, c'est assez proche. C'est la banlieue. C'est, quoi, c'est quoi la France? C'est Paris. Tu vois, c'est Paris. Après, non. En fait, on a joué à Lille. À Rouen. À Rouen et en Bretagne. Et en Bretagne. Ah oh, ouais. Bah voilà quoi. Et on a. Ah, et à la ZAD. On a joué à la ZAD aussi. Là. C'est pas mal. Laquelle aussi. Notre-Dame-des-Landes. Ah ouais. Ouais, on avait fait une tournée en Bretagne il y a longtemps avec Paya Computer. Et dernière date, je sais plus, on n'arrivait pas à trouver une date. Et il y a le batteur de Baya Computer qui a juste testé sur le site de la ZAD, genre ZAD.info, je sais plus c'était quoi. Et il y a un mail en bas, il a envoyé un mail et voilà. Ils ont dit oui, vous pouvez venir. Putain, trop bien. Mais après voilà, tu viens jouer dans une ferme abandonnée. Et gratuitement. Oui, oui. Il y avait du courant pour les instruments, puis voilà quoi. Ouais. Dans une cabane. Ah ouais, on est tous tombés malades. C'était en hiver. Quelle idée. Je crois, en janvier ou février, je sais plus. Ouais. Et c'était ambiance de merde. Non, j'aurais bien aimé ce concert, c'était cool. Non, mais après, tu te rappelles pas? Ils s'engueulaient entre eux et tous les gens. Ouais. C'est, bah, en fait, c'était juste c'est après lutte, qu'ils se soient fait c'était un peu le trip. Ouais. Il y avait des gens qui étaient super motivés pour monter des trucs, d'autres qui squattaient, et en fait, c'était un peu, je sais pas, ils se disputaient les uns les autres. Et après le concert, quoi. Après le concert, il y a un mec qui est arrivé, qui a pris le micro, qui a fait « Ouais, c'était super, merci les groupes et tout. D'ailleurs, si y en a qui ont des trucs à faire fumer au groupe, n'hésitez pas, machin et tout. » Il y en a un autre qui a pris le micro, qui a fait « Ouais, va te faire foutre. Enfin, » ils ont commencé à se prendre la tête devant nous. Il y a une trace, y a une trace enregistrée de ça ou pas? Non, c'est ça. On a des photos, vite fait, mais... Ouais, c'était... moi, j'étais... Enfin, on peut faire des anecdotes ou pas? On peut parler? Non, ouf, je ne sais pardon. Pas. Alors là, tu sais, t'es à la radio, personne n'écoute. Hein, non, je pense. Je me rappelle qu'on est arrivé là que, bah, vraiment hyper naïvement, genre, ouais, c'est trop bien et tout. Et on arrive pour manger et ils nous servent genre de la betterave. Et moi, je dis, attends, j'adore la betterave, trop bien. Et vraiment, le mec qui me l'a servi qui a fait, ah ouais, bah tant mieux, moi, ça fait 2 mois que je bouffe ça, putain. Donc, c'est vrai, vous vivez comme ça, merde. Nous, pauvre blanc, nul, belge, dans notre petit confort. Mais non, de Bretagne. Donc là, on va refaire 3 dates. Parce que. La tournée des j'aurais voulu en faire plus, mais on est vieux, il y en a un qui a des gosses et tout. Donc on fait jamais, Metz, ça, jamais. Paris. Dunkerque. Non, Boulogne. Ah, Boulogne. Putain, tu confonds pas Boulogne et Dunkerque, pardon. Attention. C'est pas le même département. Efface l'épisode. Non, mais merci à Mika qui a booké la date à Boulogne d'ailleurs. C'est comme quoi? C'est comme si on disait que tournée était en Flandre. Oh, moi, je m'en fous, tu peux le dire. Ya. Oh. Dornik. Donc voilà. Et Boulogne, ça va être sympa, ça sera avec Utopie en plus. Et ce sera avec Utopie. Et c'est le 3 février. Samedi 3 février. C'est ça. Oui, il y a déjà les affiches et tout. Barreto est dessus. Oh, d'accord. Eh. Vous avez, ici. Vous avez des activités en dehors de Pédigré? Ou vous jouez dans d'autres groupes actuellement? Moi non, j'ai plus d'autres groupes pour le moment. Non. J'avais raison. Ouais, c'est vrai qu'il y a moins de groupes. D'habitude, on vieillit aussi. Hein, d'habitude, on... vous jouiez dans plusieurs groupes en même temps. Ouais, deux ou trois souvent. Ouais, mais ouais. Ça prend trop de temps. Moi aussi, j'en avais. C'est un peu en pause maintenant. Mais on a un nouveau projet avec des membres de Slavemaker et des membres de Serré aussi. Qu'on va sortir bien un truc bientôt. Ça s'appelle, on peut pas le dire. Dogmen. Mais avec des trémas. Parce qu'il y a un autre groupe qui s'appelle The Dogmen. On s'est dit, ah non, on veut garder le nom. Donc on a mis des trémas sur toutes les voyelles. C'est la suite de Pédigré, en fait, Dogmen. En fait, ouais, je sais, j'adore les chiens. voilà. Et donc ça sonnera quoi? Ça restera un son. Ah d'accord. Et on joue le premier concert, le 7 à... en février, à la zone avec Powerplant. Ça doit encore être annoncé. C'est exclu, hein, là. Exclu total. Hein. On peut le mettre déjà sur des sites de renseignement sur les concerts. Ouais, tu peux. D'accord. Je sais plus quand c'est, mais ouais. On va écouter le deuxième morceau. Musique, là, ouais. Ouais. Alors, il s'appelait comment, le deuxième morceau que vous avez ramené? Trapped. Piégé. Ouais. Piégé. Qui raconte? Tu parles des chasseurs. Ouais, ça parle de la chasse. C'est bien, la chasse. Un chasseur piégé ou un chasseur qui pose des pièges? Ça parle plutôt des animaux chassés. Pas de la vengeance de l'animal sur l'homme. Ça a déjà été fait par Chantal Goya. Ah, c'est vrai. Donc Trapped, qu'on peut retrouver sur ce nouvel album, qui s'appelle, on la rappelle, Runaway, qui est disponible dès vendredi. Un peu partout en France, ce sera distribué par donc d'autres The Hype. Et entre autres, Emergence. Et puis Crapoulet. Et Crapoulet, ouais. Ok, bon, on écoute ça. Et Louis pleure. Et Louis pleure. Louis pleure, ouais. Oh là là. We'll be right back. Yngling, c'était quoi ça? C'était Sivhead. Un groupe anglais de Sheffield, Sivhead, qui n'existe plus, qui était bien. Encore un. Un des groupes de post-punk qui joue avec, qui a pas peur de se mélanger avec des skinheads bien comme il faut, quoi. Ah, mais oui, d'accord. Ouais. Ah ouais? Ouais, ils ont joué avec Last Crusade, dans des bonnes soirées, bien crâne rasé. Ils ont pas peur de se mélanger, c'est bien. Je savais pas du tout. On est à la fin de l'émission. Ouais, on est à la fin. Est-ce que vous avez des projets déjà, là, avec Pédigré? Trouver des dates, ça, ce serait déjà pas mal. Défendre ce nouveau 8 titres. Ouais. Bah là, on en a, y a la petite tournée en France, enfin, c'est un mini tour, quoi, c'est 3 jours. Après, ouais, si on peut jouer une paire de dates, ce serait cool. Ouais. Des petites idées sur les prochaines sorties discographiques? Un EP, un single, un album, un split? Oh, il faut qu'on se remette à répéter à nouveau. Je t'avoue que là, nos répètes, c'est vraiment, on répète quand on a un concert, quoi. Et quand si on veut vous faire jouer, comment on vous contacte? Est-ce que vous êtes des aficionados des réseaux sociaux ou alors ouais, sur Facebook, il y a moyen. Si, je crois qu'il y a une page Instagram aussi. Ouais. Ouais, on n'utilise pas beaucoup. Si on tape Pédigré, on trouve facilement. Non. Non. Tu vas tomber sur la bouffe pour chien. Ouais. Et donc et sur Bandcamp, il y a un Pédigré groupe Pédigré Punk qui passe devant. Ouais, et puis il y a un autre groupe qui s'appelle Pédigré en Slovénie, je sais pas quoi. Qui nous a envoyé un mail une fois pour dire qu'ils allaient porter plainte. Ouais. Connard. Je vais bientôt lancer la Mais pourquoi les groupes, plutôt que de dire on va porter plainte, pourquoi ils joueraient pas ensemble? Donc ils sortiraient un split ensemble. Bah, c'est des boboches. Face A, Pédigré, face B, Pédigré. J'ai pas envie de faire un split avec eux. Ah bah faut écouter, vous comprendrez. Oh. Au revoir. Non, mais attends, d'abord, qu'est-ce que vous voulez passer là? Qui commence maintenant d'ailleurs? On va passer Pampers. Et on se dit à la semaine prochaine. Merci Pédigré d'être venu. Merci à vous. Au revoir. Salut. Au revoir. Au revoir. Mission trop courte. La semaine prochaine pour le 317e de Pyongyang Stalkers. Et on n'oublie pas. À Cab. La semaine prochaine, on en parlera de la soirée du 9 décembre. Oui.